FrenchPod.com. Bonjour chérie, c'est l'heure de se réveiller. Tiens, je t'ai préparé ton petit déjeuner. Je suis allée acheter des croissants. Des croissants? Non, quel honneur. Oh, juste comme ça, pour te faire plaisir. Tiens, je t'ai repassé tes chemises aussi. Elles sont rangées là. Toi, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu as cassé? Tu as un accident avec la voiture? Mais non, enfin. Mais tant que j'y pense, j'ai annulé le déjeuner chez ma mère dimanche prochain. Bon, arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes et j'ai pris un RTT. Je vois, c'était donc ça. Tiens, prends ma carte bleue. Et ne fais pas trop de folie. Moi, je file au boulot, sinon je vais être en retard. Merci. Mais je n'ai pas le code.